أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. لروانجي باديو سينيور ديز اونيفير. يقول المنتقم الجبار لتو بويسون دي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Ne crois surtout pas que Dieu est inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que les retarder pour un jour où les regards deviennent fixes. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. إذا كنت مظلوما, dans le cas où tu es opprimé, إذا كنت ضعيفا مغلوبا, dans le cas où tu es un faible vaincu, فتوجه إلى الله, dirige-toi vers Dieu. توجه إلى القوي, dirige-toi vers le très fort. واشتكي إليه, et plains-toi à lui. وانتظر لترى العجب, y attend pour voir des choses étonnantes. Attends pour voir des choses merveilleuses. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et saillé sur lui dit, إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. Certes, Dieu donne un certain délai à l'injuste, mais lorsqu'il le saisit, il ne le rate pas. متفق عليه, unanimement authentique. ولما أرسل معاذ بن جبل وليا لليمن, lorsqu'il a envoyé معاذ fils de جبل comme gouverneur du Yémen, قال له, il lui dit, واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Méfie-toi, crains beaucoup l'invocation de l'opprimé parce qu'il n'y a pas entre elle et Dieu aucun voile. متفق عليه, unanimement authentique. يا ابن آدم, يا ابن آدم, لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا, فالظلم يرجع عقباه إلى الندم, تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله, et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, الصادق الأمين, sincère et digne de confiance. كان يقول, il disait, إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. Certes, la montagne de Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons. متفقون عليه, unanimement authentique. ومرة كان على جبل أحد, une fois il était sur la montagne de Uhud, ومعه أبو بكر وعمر وعثمان, accompagné d'Abu Bakr, Omar et Uthman. فرجف الجبل, et la montagne a tremblé. فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابه. La montagne a tremblé par joie d'avoir le prophète et ses compagnons au-dessus d'elle. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sur lui dit, أثبت أحد, ne bouge pas أحد, ne tremble pas أحد, فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. Parce qu'il n'y a sur toi qu'un prophète, un vertueux et deux martyrs. رواه البخاري والترمذي وغيرهم, rapporté par l'imam al-Bukhari, par l'imam al-Tirmidhi et par d'autres. Sayyidi Abu Zahra, خلقت مبرأ من كل عيب. Tu as été, ou tu es né, ou tu as été créé épargné de tout défaut. كأنك خلقت كما تشاء, comme si tu as été créé comme ce que tu voulais. فأجمل منك لم تر قط عيني, plus beau que toi mes yeux n'ont jamais vu. وأفضل منك لم تلد النساء, et meilleur que toi les femmes n'ont jamais enfanté. خلقت مبرأ من كل عيب, كأنك خلقت كما تشاء, فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، صلى الله عليك يا أمير الأنبياء. Ô émir des prophètes, que les prières de Dieu soient pour toi, au nom des étoiles du ciel, عدد نجوم السماء ورمال الصحراء, et au nom des sables du désert, وأولاد آدم وحواء, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد, après ceci, أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, mes frères, mes sœurs en Islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى très cher ou bien aimé محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. نهار أمس, la journée d'hier, كانت 11 septembre, était la journée du 11 septembre. وكانت الذكرى السابعة للعمليات الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2001. Et c'était le septième anniversaire des opérations terroristes qui ont frappé les États-Unis d'Amérique en l'an 2001. ومع الأسف منذ ذلك التاريخ, et malheureusement depuis cette date, وكثير من الناس لا يفرقون بين الإسلام والإرهاب. Et beaucoup de gens ne font pas la différence, ne distinguent pas entre l'islam et le terrorisme. ظنينا بأن الإسلام دين الدماء, en pensant, en imaginant, en croyant que l'islam est la religion du sang. وهذا ظن حتى بعض المسلمين, et c'est l'imagination, la croyance même de quelques-uns ou d'une partie des musulmans. فمنهم من يعتقد جهلا, il y a parmi eux qui croient par ignorance بأن الإسلام يأمر بقتل جميع غير المسلمين. Il y en a des gens qui croient que l'islam ordonne de tuer tous les non-musulmans. L'islam, il y a des gens qui croient, et c'est faux, que l'islam demande de purifier la terre de tous les non-musulmans. هنا أقول, là je dis, أخي, أختي, frère, sœur, الإسلام بريء من الإرهاب. L'islam est innocent vis-à-vis du terrorisme. كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. Exactement comme l'innocence du loup par rapport au sang de Joseph. Prière et salut sur lui. وقد رأينا كيف تعرض الإسلام للإرهاب منذ بدايته. Et nous avons vu comment l'islam a subi, s'est exposé au terrorisme depuis son début. وَذَلِكَ فِي شَخْصِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Et ceci à travers la personne du prophète, prière et salut sur lui. فَكَمْ مِنْ مَرَّ حَاوَلُوا قَتْلَهُ. Combien de fois ils ont essayé de l'assassiner, prière et salut sur lui. وَالْيَوْمَ أُعْطِي ثَلَاثَ أَمْتِلَهُ. Aujourd'hui je donne trois exemples. أخرى تبين الإرهاب الذي تعرض له الإسلام من بعد النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. Aujourd'hui je donne trois exemples qui vont nous montrer le terrorisme qu'a subi l'islam après la mort du prophète, prière et salut sur lui, et pendant des dizaines et dizaines et dizaines d'années. المثال الأول, le premier exemple. في يوم الثالث والعشرين من ذي الحجة, dans le jour 23 du mois du pèlerinage de l'Hijja, fi sanat thalitha wal 20 lil hijra, en l'an 23 de l'Hijra, fi masjid rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et en plein mosquée de la prophète, du prophète, prière et salut sur lui. تقدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليصلي صلاة الفجر بالمسلمين كعادته. L'émir des croyants Omar, fils de Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, se dirigea vers le mihrab afin de présider ou de diriger la prière des musulmans comme son habitude. وقال الله أكبر, et il a dit الله أكبر. وقال الناس من ورائه الله أكبر, et les musulmans dirent derrière lui الله أكبر. وبدأ الكل في الصلاة, et tout le monde est entré dans la prière. وإذا برجل يطعن أمير المؤمنين عدة طعنات. Et tout à coup, un homme poignarda à plusieurs reprises l'émir des croyants. وهرب بين الصفوف et il prit la fuite à travers les rangées وبيده سكين ذات طرفين. Il avait à la main un couteau qui avait deux parties ou qui tranchait des deux parties. يطعن بها الناس عن يمينه وعن شماله. Et pendant sa fuite, il poignardait les gens qui faisaient la prière à sa gauche et à sa droite, hatta ta'ana 13 rajulan, jusqu'au point qu'il a poignardé 13 hommes, mata minhum akthar min an-nisf, et la moitié de ces gens sont décédés. Fa lamma 'arafa annahu ma'khud, lorsqu'il a compris qu'il sera arrêté, intahara bi sikkinihi, il s'est donné la mort avec son propre couteau. ووقع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على الأرض. الأمير des croyants, Omar, fils du Khattab, est tombé sur le sol. وهو يقول هذه الآية. Il était en train de lire, de réciter ce verset coranique. وكان أمر الله قدرا مقدورا. Ce que Dieu a décidé est un arrêt inéluctable du destin. وفقد وعيه. Il perdit conscience. فلما أفاق عمر, lorsqu'il se réveilla, أول ما تكلم به, la première phrase qu'il a prononcée, أصلى الناس. Est-ce que les gens ont accompli leur prière? قالوا نعم. Ils disent oui. فقال عمر, Omar a dit, لا إسلام لمن ترك الصلاة. Nul islam pour celui qui a abandonné la prière. ثم دعا بالماء. Il a demandé de l'eau. فتوضأ. Il fit ses ablutions. وصلى. Et il a prié. وجرحه يسيل. Et sa blessure était en train de saigner. وسأل الناس عمن قتله. Il interrogea les gens à propos de son tueur. فقالوا له, ils lui dirent, عدو الله فيروز, أبو لؤلؤة, l'ennemi de Dieu فيروز, qui s'appelait père de لؤلؤة, أبو لؤلؤة, وهو من فارس, il fut un Perse, يكره الإسلام, il détestait l'islam, ولا زال على دين أجداده, il a gardé la religion de ses grands-pères, وكان يعيش بالمدينة, il vivait à Médine, يعمل حدادا ونجارا, il travaillait comme forgeron et en même temps menuisier. وخطط مع أصحابه لقتل عمر رضي الله عنه. Et il a programmé avec ses amis l'assassinat de Omar. فقال عمر. Omar a dit, lorsqu'il a entendu le nom de son tueur, الحمد لله الذي لم يجعل موتي بيد رجل يدعي الإسلام. الحمد لله الذي جعل موتي بيد رجل يدعي الإسلام وليس مسلما. Gloire ou la louange est à Dieu qui a fait telle sorte que ma mort était provoquée par quelqu'un qui prétendait l'islam mais qui n'était pas un vrai musulman. هذا هو عمر, tel est Omar, عملاق الإسلام, le géant d'islam, يموت ضحية للإرهاب, il a connu la mort, il est mort, il est tombé mort comme victime du terrorisme. هذا هو عمر رضي الله عنه, tel est عمر, que Dieu soit satisfait de lui, الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم, عمر, pour lequel le prophète prière et sur lui a dit, لو كان بعدي نبي, لو كان مازال يجي انبياء من بعدي لكان عمر ابن الخطاب, s'il y aura eu après moi des prophètes, ça serait عمر fils de الخطاب. رواه الترمذي وقال حديث حسن, rapporté par l'imam الترمذي. ويرسل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبد الله الى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. Et par la suite, عمر fils du Khattab a envoyé son fils عبد الله vers la mère des croyants, عائشة, l'épouse du prophète prière et sur lui. يستأذنها في أن يدفن بجانب صاحبين, الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. Il demandait l'autorisation auprès de عائشة, que Dieu soit satisfait d'elle, qu'il soit enterré à côté de ses deux amis, le prophète prière et sur lui et Abu Bakr. وقال له, et lui a dit, il a dit à son fils, قل لها, dis-lui, يقرأ عليك عمر السلام, Omar t'annonce les salutations. Et ne dit pas l'émir des croyants t'annonce les salutations. Fa inni lastu al-yawm amiran lil mu'minin, parce que aujourd'hui je ne suis plus l'émir des croyants. Fa dhahaba ibnuhu, son fils est parti vers Aïcha, fa wajadaha tabki, il l'a rencontré en train de pleurer. Wa qala laha, il lui dit, يقرأ عليك عمر السلام عمر تنونس لي سالوتاسيون ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه et il te demande la permission d'être enterré à côté de ses deux amis. فقالت كنت أريده هذا المكان لنفسي. عائشة كانت تريد أن تدفن بجانب زوجها وبجانب أبيها. Elle a donné cette réponse, je le voulais, ça veut dire ce lieu, je le voulais pour moi-même, afin que je sois enterré à côté de mon mari le prophète, prière et sagesse, à côté de mon père Abu Bakr. وَلَا أُوثِرَنَّهُ بِهِ الْيَوْمِ عَلَى نَفْسِي, mais aujourd'hui je le favorise par rapport à moi-même. وَمَاتَ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ, trois jours par la suite, Omar est décédé. مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي مَلَأَ الْأَرْضَ عَدْلًا وَحَقًّا, cet homme qui a rempli la terre d'équité, de justice, de droit est mort. Mata Omar alladhi qala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Omar pour lequel le prophète prière et sagesse sur lui a dit ma laqiyaka ash-shaytan salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghayra ou salaka fajjan ghayra fajjik, chaque fois que Satan te rencontre dans un chemin, il prend un autre chemin que le tien. Muttafaqun alayhi. Wa qala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Omar pour lequel le prophète prière et sagesse lui a dit la yabkiyan al-islam ala mawtika ya Omar, certes l'islam va pleurer ta mort ô Omar, ou comme a qala sallallahu alayhi wa sallam mata shahidan, il est tombé mort en tant que martyr. وتحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم, ainsi la prophétie du prophète prière et sagesse sur lui a été réalisée. أثبت أحد, ne bouge pas أحد, ne tremble pas أحد, فإنما عليك نبي, il n'y a sur toi qu'un prophète, وصديق هو أبو بكر, et un vertueux qui était Abu Bakr, وشهيدان, et deux martyrs, وأولهما عمر, le premier des deux martyrs était Omar. تحققت النبوءة بعد أكثر من 20 عاما, la prophétie a été concrétisée après une période supérieure à 20 ans. المثال الثاني, le deuxième exemple. في شهر ذي الحجة من عام 35 هجرية, dans le même mois du pèlerinage ذو الحجة, en l'an 35 de l'Hégire, جاء الثوار من البصرة والكوفة بالعراق ومن مصر, des révolutionnaires sont venus à partir de Bassora et de Al-Kufa en Irak et de l'Égypte إلى المدينة, vers Médine, la ville du prophète prière et sagesse sur lui. للقاء أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه, afin de dialoguer, afin de négocier, de rencontrer l'émir des croyants à l'époque, Uthman, fils de Affan, que Dieu soit satisfait de lui. والذي نظم هذه الثورة, celui qui a organisé cette révolution, هو عبد الله ابن سبا, était عبد الله fils de سبا, من اليمن, من أهل الكتاب. Il est venu, il est d'origine yéménite, et c'est un homme qui appartenait aux gens du livre. فظهر بالإسلام ليقضي نهائيا على الإسلام. Il a fait semblant de montrer l'islam afin de mettre fin de l'islam ou à l'islam. وَلِيَنْشُرَ الْفِتْنَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, et afin de répondre, de semer la discorde entre les musulmans. وَنَجَحَ فِي ذَلِكَ, et il a réussi dans ce domaine. جَاءَ الْإِرْهَابِيُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ, les terroristes sont venus de tous les coins. إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, vers la ville du messager de Dieu prière et sagesse sur lui. وأحاطوا بدار أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه, ils ont entouré la maison de Uthman fils de Affan, que Dieu soit satisfait de lui. وحاصروه لمدة أيام, ils l'ont assiégé pendant plusieurs jours. un blocus complet autour de sa maison. Il n'y avait pas des soldats à Médine. Tous les soldats étaient très très loin, des milliers de kilomètres de Médine. Les compagnons du prophète, prière et sagesse, ont décidé de défendre Uthman. فقال لهم عثمان, ce dernier leur dit, ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. Je ne souhaite pas rencontrer Dieu et autour de mon cou une seule goutte de sang d'un être musulman. ومنع الثوار الناس من زيارته. Par la suite, les révolutionnaires ont interdit aux gens de visiter Uthman. ومنعوه من الماء كذلك. Et on lui a interdit l'accès à l'eau. منعوه من ماء بئر روم. Ils lui ont interdit l'eau du puits qui s'appelait Roma. وهو الذي اشتراه بماله الخاص. Ce puits que Uthman a acheté avec son propre argent au début de l'immigration. بعد الهجرة إلى المدينة. وأهداه للمسلمين. Et lorsqu'il a acheté avec son propre argent à l'époque ce puits, il l'a offert à tous les musulmans. في وقت كان الماء فيه قليلا. À une époque où l'eau était rare à Médine. وها هو اليوم يمنع من ماء بئره. Et le voici aujourd'hui empêché de boire de l'eau de son puits. وبعد حصار طويل. Après un long siège, طلب الإرهابيون من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. Les terroristes ont demandé à l'émir des croyants عثمان, que Dieu soit satisfait de lui, أن يعتزل الإمارة أو يقتلونه. Ils lui ont demandé deux choses, soit démissionner, soit être tué. ورفض ذلك. Il a refusé cela. ليس حبا في النفوذ. Pas parce qu'il aimait le pouvoir, pas parce qu'il aimait rester au pouvoir. ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما. Mais pour une seule raison, c'est que le prophète, prière et sagesse sur lui, lui a dit un jour, يا عثمان, ô عثمان, لعل الله يقمصك قميصا. Peut-être Dieu va te faire habiller d'une chemise. فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ. Si les gens vont te demander de l'enlever, فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ. Ne l'enlève pas pour eux. رواه الإمام الترمذي, rapporté par l'imam الترمذي. وَقَدْ كَسَاهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْخِلَافَةِ. Et voici Dieu qui l'a habillé avec les vêtements du calife, du pouvoir. فَلَنْ يَنْزَعَهُ. Il va suivre la recommandation du prophète, prière et sagesse sur lui, et il ne va pas se déshabiller du califat. طَاعَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Uniquement pour obéir à l'ordre du prophète, prière et sagesse sur lui. وَفِي لَيْلَةِ 18 ذِي الْحِجَّةِ. Pendant la nuit du 18e jour du mois de pèlerinage, قام عثمان رضي الله عنه الليل كعادته. عثمان a fait ses prières nocturnes comme son habitude, بقراءة القرآن في صلاته, en récitant le Saint Coran dans sa prière. ثم نام. Et par la suite, il dormit. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Et pendant le sommeil, il a vu dans un songe le prophète, prière et sagesse sur lui dire, أفطر عندنا غدا يا عثمان. Demain, tu vas faire ton iftar chez nous, ô عثمان. Demain, tu vas rompre ton jeûne chez nous, ô عثمان. فأصبح صائما. Le matin, lorsqu'il se réveilla, il a fait son intention de jeûner ce jour, pour suivre le prophète, prière et sagesse sur lui. فصلى ركعتين. Il a prié, il a fait deux unités de prière. ثم حمل مصحفه. Et après, il a pris son Coran. وبدأ يقرأ آيات الله. Et par la suite, il a commencé à réciter les versets coraniques. وعرف الثوار بأن الجنود قادمين في طريقهم إلى المدينة. Les terroristes ou les révolutionnaires apprirent ce jour-ci que les soldats des musulmans, l'armée musulmane est dans son chemin vers Médine pour défendre Uthman. Leur colère a bien augmenté. وتصوروا من خلف دار الخليفة. Ils passèrent au-dessus du mur, par l'arrière de la maison du calife, لأن في بابها الأمامي كان يوجد بعض الصحابة. Parce que devant la maison, devant la porte de la maison de Uthman, il y avait quelques compagnons qui le défendaient. ودخل الإرهابيون إلى بيت الخليفة. Les terroristes sont entrés au sein de la maison du calife. فوجدوه يقرأ القرآن. Ils l'ont trouvé en train de réciter le Coran. وقد وصل إلى قوله تعالى. Il est arrivé au verset dans lequel Dieu dit: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. Ceux à qui les gens dirent, les gens ont mobilisé pour vous, ça veut dire des multitudes ou bien des troupes, craignez-les. فزادهم إيمانا. Cela augmenta leur foi. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Et ils dirent, il nous suffit d'avoir Dieu et quel bon défenseur. فضربوا الخليفة عثمان رضي الله عنه فقطعوا يده. Ils ont frappé avec leur épée le calife عثمان, que Dieu soit satisfait de lui, à sa main, et lui ont coupé la main. فقال رضي الله عنه, sa réponse à eux était: إنها والله إنها لأول يد خطت المصحف. Par Dieu, c'était la première main qui a écrit le Saint-Coran. وكتبت آية القرآن, et c'est la première main qui a écrit les versets coraniques. وبدأت نائلة زوجته تدافع عنه بيديها. Et à ce moment-là, sa femme نائلة a commencé à le défendre avec ses mains. فضربوها, et ils la frappèrent. فقطعت أصابعها, on lui a coupé les doigts. ثم ضربوا عثمان رضي الله عنه. Par la suite, ils vont frappé avec leur sabre Uthman, que Dieu soit satisfait de lui. وَحِينَ رَأَى دِمَاءَهُ تَتَفَجَّرْ. Lorsqu'il a vu avec ses propres yeux son propre sang en train de couler, طَوَى الْمُصْحَفِ, il a fermé le livre coranique. حَتَّى لَا تُطْمَسَ آيَاتُهُ بِالدِّمَاءِ, afin de préserver les versets coraniques pour qu'ils ne soient pas tachetés par le sang. وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ, il l'a serré vers sa poitrine. ثم أسلم روحه إلى الله تعالى وتبارك, et par la suite il a rendu son âme à son Seigneur. وعمره 82 سنة, et il avait 82 ans à l'époque. لم يحترم الإرهابيون عثمان رضي الله عنه. Les terroristes n'ont pas respecté عثمان, que Dieu soit satisfait de lui. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عنه, malgré que le prophète prière et sur lui disait de عثمان, ألا إنني أستحي, أو ألا إنني أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. Je suis pudique à l'égard d'un homme envers lequel les anges sont pudiques. رواه الإمام مسلم, rapporté par l'imam مسلم. هذا هو عثمان, tel est عثمان, ذو النورين, le possesseur de deux lumières. لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم, parce qu'il s'est marié avec deux filles du prophète prière et salut sur lui, المبشر بالجنة, et il a reçu la bonne nouvelle d'être un homme du paradis. تزوج رقية رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il s'est marié avec رقية, que Dieu soit satisfait d'elle, la fille du prophète prière et sur lui. فلما ماتت, et après la mort de رقية, زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم رضي الله عنها. Et après son décès, le prophète prière et sur lui l'a fait marier avec l'autre fille, Umm Kulthum, que Dieu soit satisfait d'elle. فلما ماتت, lorsque celle-ci est décédée, قال له النبي صلى الله عليه وسلم, ما بقي بنات عند النبي صلى الله عليه وسلم, قال له النبي عليه الصلاة والسلام, le prophète prière et sur lui dit: يا عثمان, ô عثمان, إن كان عندي غيرهما لزوجتكها, si j'avais une autre fille à part, en plus de ces deux, je te ferais marier avec elle. قال هذا هو عثمان, تل اي عثمان رضي الله عنه, الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لربه, pour lequel le prophète prière et sur lui a dit à son propos à Dieu, juste après le fait qu'il a payé de son propre argent la fourniture et les vivres et les armes de l'armée de la difficulté, Ya Rab, inni raditu an Uthman, Allahumma farda anhu, ô mon Seigneur, je suis aujourd'hui parfaitement satisfait de Uthman, ô mon Seigneur, sois aussi satisfait de lui. Ma barra Uthmana ma amila ba'd al-yawm, à partir d'aujourd'hui, les actions de Uthman ne lui feront aucun mal. Uthbut Uhud, ne bouge pas Uhud. Fa inna ma alayka nabiyun wa siddiqun wa shahidan, ne bouge pas Uhud, ne tremble pas Uhud, parce qu'il n'y a sur toi qu'un prophète, un vertueux et deux martyrs. Wa tahaqqaqat nubu'at ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ba'da akthar min 30 sana, et la prophétie du prophète, prière et salut sur lui, s'est concrétisée après une période supérieure à 30 ans. Famata Uthman shahidan, et Uthman est décédé en tant que martyr. Al-mithal al-thalit wal-akhir, le troisième et dernier exemple maintenant. خطط أعضاء من جماعة الخوارج قتل رابع الخلفاء الراشدين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Un groupe ou des membres d'un groupe des خوارج ou des خارجيتes ont programmé l'assassinat du quatrième calife après le messager de Dieu, prière et salut sur lui. وفي يوم 17 رمضان, et le 17e jour du mois sacré de Ramadan, Sanat 40 Hijriya, en l'an 40 de l'Hégire, fi balad al-Iraq, en Irak, kharaja Amir al-Mu'minin, al-Imam Ali, karram Allah wajah, l'émir des croyants Ali, que Dieu anoblisse son visage, est sorti de chez lui afin à l'aube pour accomplir la prière de l'aube. Kharaja li salat al-Fajr. Il a son habitude, il a commencé à appeler les gens, à appeler les gens dans son chemin ou lors de son chemin, sous la couverture de la nuit. As-salat ayyuhannas, la prière aux gens, la prière. As-salat yarhamukumullah, la prière, que Dieu soit miséricordieux à votre égard. Et là, un terroriste l'a frappé avec une épée empoisonnée. Les gens l'ont emporté vers sa maison. Et il a été entouré par sa famille, par ses enfants et ses proches. Il les a regardés et leur a dit: اذهبوا الى المسجد لا تضيعوا صلاه الفجر. Partez vers la mosquée, ne ratez pas la prière de l'aube. وبعد الصلاه عادوا اليه ممسكين بالقاتل. Après la prière, ils sont revenus vers lui et ils ont capturé l'agresseur. وفتح الامام عينيه, et l'imam a ouvert ses yeux. فلما راه قال له, lorsqu'il l'a vu, il le connaissait, lorsqu'il l'a vu, il lui dit: c'est toi, la palama ahsantu ilayk, combien je t'ai fait dans le passé du bien. Wa khaf al-imam min al-intiqam alladhi yantadhiru qatila, et l'imam avait peur de la vengeance qui attendait son agresseur après sa mort. Li'annahu ra'a al-ghadab ala wujuhi awladihi wa ashabihi, parce qu'il a remarqué une grande colère dans les regards de ses enfants et de ses amis. فقال لهم, il leur dit, أحسنوا نزله, assurez pour lui un bon lieu de détention. وأكرموا مثواه, et comportez-vous avec lui, et comportez-vous bien avec lui. فإن أعيش, si je vis, فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا, je déciderai moi-même de son sort, soit la punition ou le pardon. وإن أموت, mais dans le cas où je meurs, فَأَلْحِقُوهُ بِي, faites-le me suivre. وَخَاصِمُهُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ, c'est le Seigneur des univers qui sera juge entre moi et lui. وَلَا تَقْتُلُوا بِي سِوَاهُ, et à cause de ma mort, ne tuez personne à part lui ou en dehors de lui. Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin, parce que certes Dieu n'aime pas les agresseurs. Akhi, ukhti, frère, sœur. Hada huwa al-islam. Tel est ou hadihi hiya 'adalat al-islam. Telle est l'équité de l'islam. Al-islam la yu'aqib illa al-mujrim. L'islam ne punit que le criminel. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم le messager de Dieu, prière et sagesse, lui dit: إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء حسب الترمذي النبي هو موسى عليه السلام فأمر بقرية النمل فأحرقت. Le prophète nous raconte l'histoire d'un prophète, et selon l'imam at-Tirmidhi, ce prophète n'était que Moïse, prière et sagesse, lui, comme quoi une fourmi a mordu un prophète parmi les prophètes. Et ce dernier a donné ses ordres de brûler toute une colonie de fourmis. فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ Et Dieu lui a révélé أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَ Tu as été mordu par une seule fourmi. أَحْرَقْتَ أُمَّةً تُسَبِّحُ اللَّهُ Et par conséquence, tu as brûlé ou tu as fait brûler toute une nation qui glorifiait Dieu, une nation de fourmis. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Unanimement authentique. وَفِي رِوَيَةٍ لِمُسْلِمٍ Dans une version de l'imam muslim, فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ Et Dieu lui a révélé فَهَلَّا نَمْلَ وَاحِدَةً بِمَعْنَى الَّتِي قَرَصَتْكَ Et pourquoi pas une seule fourmi, ça veut dire celle qui t'a mordu. لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي آيَةٍ قُرْآنِيَةٍ Parce que Dieu dit dans un verset coranique وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى Aucune porteuse de charge ne supporte celle d'une autre. Ça veut dire personne ne sera puni par ou à cause du crime d'un autre. الإسلام يحرم الظلم. L'islam interdit l'injustice. أمام جريمة devant un crime d'une personne, أمام جريمة شخص أو جماعة devant le crime commis par une personne ou par un groupe de personnes, لا يمكن أن نتهم أو نعاقب حيا بأكمله. On ne peut pas punir à cause de ça d'une personne ou d'un groupe de personnes. On ne peut pas punir tout un quartier, ou Madina biakmaliha, on ne peut pas punir toute une ville, ou Sha'ban biakmalihi, on ne peut pas punir à cause d'une personne ou quelques personnes un pays dans sa totalité. لِأَنَّنَا إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ Parce que dans le cas où on le fait, عَقَبْنَا الْأَبْرِيَاءَ on va punir des innocents. وَهَذِهِ جَرِيمَةٌ Et cela s'appelle un crime. فَالْإِسْلَامُ لَا يُحَارِبُ الْجَرِيمَةَ بِالْجَرِيمَةِ L'islam ne combat pas le crime par un autre crime. الْإِسْلَامُ لَا يُحَارِبُ الْإِرْهَابَ بِالْإِرْهَابِ L'islam ne répond pas, ne combat pas le terrorisme par un autre terrorisme. قَالَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Ali, que Dieu soit satisfait de lui, dit: وَلَا تَقْتُلُوا بِي سِوَا Et à cause de ma mort, ne tuez personne à part lui. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ Dieu déteste ou n'aime pas les agresseurs. هَذَا هُوَ عَلِي كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَ Tel est Ali, que Dieu anoblit son visage. Ibn Ammi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, il était le cousin du prophète, prière et sagesse lui. هَذَا هُوَ عَلِي تِلْمِيدُ رَسُولِ sallallahu alayhi wa sallam. Tel est Ali, l'élève du prophète, prière et sagesse lui. هَذَا هُوَ عَلِي زَوْجُ فَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولِ sallallahu alayhi wa sallam. Tel est Ali, l'époux de Fatima Zahra, la radieuse fille du prophète, prière et sagesse lui. هَذَا هُوَ عَلِي أبو الحسن والحسين سيدا شباب الجنة تل اي علي le père d'Al-Hassan et Al-Hussein les deux maîtres de la jeunesse du paradis. هذا هو علي رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم تل اي علي pour lequel le prophète prière et sagesse lui a dit من كنت مولاه فعلي مولاه Quiconque je suis son tuteur, Ali est pour lui un tuteur. وقال له, et il lui dit une autre fois, أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ Tu fais partie de moi et je fais partie de toi. وقال له مرة أخرى, et une autre fois il lui a dit, انت اخي في الدنيا والاخره certes tu es mon frère dans cette vie ici bas et dans l'au-delà ومات علي كرم الله وجهه شهيدا et علي est tombé mort que Dieu anoblisse son visage en tant que martyr ليلتحق بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم afin de rejoindre son bien-aimé Mohammed prière et salut sur lui وبزوجته فاطمة afin de rejoindre son épouse Fatima que Dieu soit satisfait d'elle وبأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم et afin de rejoindre ses compagnons Abu Bakr, Omar et Uthman que Dieu soit satisfait de tous. وهكذا خطط أعداء الإسلام أنسي لزنمي الإسلام أن بروغرامي قتل خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بروغرامي لاساسينا دي كاليف أو دي سكسيسور دي بروفيت بريير إساي سور لوي أستغفر الله إنهم ليسوا قتلى Je demande pardon à Dieu. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas assassinés. Laisu mauta. Qala ta'ala. Dieu dit dans un verset. Wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Ne prends surtout pas ceux qui ont été tués sur le chemin de Dieu pour des morts. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mais plutôt des vivants recevant leur subsistance auprès de leur Seigneur. أراد لهم الأعداء الموت leur ennemi ont voulu pour eux la mort ولكن الله أعطاهم الحياة الأبدية et Dieu leur a donné la vie éternelle أخي أختي frère sœur أرأيت كيف كان الإسلام والمسلمون ضحية للإرهاب as-tu vu comment les musulmans et l'islam étaient des cibles ou des victimes du terrorisme فالإسلام كان وسيبقى دين رفق وليس دين عنف. L'islam était et va rester une religion de douceur et non pas de violence. دين سلام وليس دين إرهاب. Une religion de paix de et non pas une religion de terrorisme. ولكن العجيب mais ce qui est extraordinaire. كيف نصف اليوم الضحية بالمعتدي Comment on traite aujourd'hui la victime en tant qu'agresseur et comment aujourd'hui on fait de l'innocent un criminel أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين